compagnie de Trinh Xuân Thuong, une question simple. Comment êtes-vous devenu astronome, vous qui êtes né à Hanoï, au Vietnam? Oui, très bonne question. C'est parce que je suis allé au Caltech. D'ailleurs, par un discours de De Gaulle, d'ailleurs. Vous voyez, j'étais au lycée français de Saigon. J'avais fait mon bac. Et je voulais faire maths sup à Louis-le-Grand. J'avais déjà réservé une chambre. Et puis, je rentre à l'école normale, faire la recherche en France. De Gaulle, en 1966, dans l'année de mon bac, fait un grand discours à Phnom Penh, disant que les États-Unis devraient se retirer du sud-est asiatique parce que c'était un conflit interne entre le nord et le sud et que les Américains n'y avaient rien à y faire. Et donc, rupture diplomatique du gouvernement sud-vietnam qui voulait la présence des troupes américaines au sud. Donc, je ne pouvais plus aller en France, vous voyez. Et donc, ça m'a... Donc, j'ai passé une année à l'École polytechnique de Lausanne et puis je suis parti aux États-Unis parce que je voulais vraiment faire la recherche et avoir les meilleurs professeurs de physique, en fait, parce qu'à ce moment-là, je voulais faire la physique et j'avais des professeurs comme Richard Feynman, tout ça, sur le campus de Caltech. Mais est-ce que le hasard fait bien les choses? Peut-être pas le hasard, mais en tout cas, Caltech avait le plus grand télescope du monde à ce moment-là. Hein, c'était 1966. C'était le Mont Palma, 1967 maintenant, de 5 mètres. Et un de mes professeurs de physique voulait, je pense, identifier des contreparties optiques à des pulsars qui venaient juste d'être découverts en 1967, donc des étoiles à neutrons, vous voyez. Et donc, il m'a amené au télescope Palma pour vérifier, pour photographier le ciel. Et donc, vous voyez, à 19 ans, ayant accès au plus grand télescope du monde, ça ne pouvait me faire que tomber dans la marmite de l'astronomie, en quelque sorte. Et puis, bon, les années 60, moi, je pense que c'est l'âge d'or, l'astrophysique. Hein. 1963, découverte des quasars. C'est par un de mes professeurs à Caltech, d'ailleurs, Martin Schmidt. Et puis, 1965, découverte d'un rayon fossile qui met, par Penzias et Wilson, qui met donc la théorie du Big Bang sur un socle solide. 67, découverte des pulsars. Et puis, 69, Armstrong se pose sur la Lune. Vous voyez, donc vraiment, l'astrophysique et l'espace étaient vraiment le sujet à faire. Donc, pour quelqu'un qui est en quête d'une vocation scientifique, hein, c'était le domaine pour lequel on a entré. Parce qu'on se dit que l'univers est tellement vaste, il regorge tellement de mystères, que même des petits esprits pourraient faire des contributions, vous voyez, à comprendre plus l'univers. Et donc, je suis allé à Princeton après pour faire un PhD donc, en astrophysique. Alors, tout ça paraît facile, mais je dirais, petit garçon, vous étiez curieux? Oui, tout à fait. Oui, j'étais toujours curieux, je me posais toujours des questions sur la nature des choses, etc. Et puis, j'ai lu Einstein, vous voyez, peut-être pas ses articles sur la relativité, mais sur écrit humaniste. Comment je vois le monde. Voilà, ah, oui. C'est ça, exactement. C'est le livre. Vous avez lu ça jeune? Oui, c'est ça, jeune, et ça m'a beaucoup inspiré. Voilà quelqu'un, vous voyez, de scientifique qui a révolutionné la science, mais aussi profondément humain aussi, vous voyez, qui s'occupait des affaires du monde. Par exemple, il militait contre l'armement atomique, parce que, en fait, c'est son équation, E=mc2, qui est responsable de l'énergie atomique. Et aussi, bon, il parlait déjà des problèmes palestiniens. Enfin, tout ça, moi, je trouvais, voilà, quelqu'un, un génie scientifique qui est profondément ancré dans le monde aussi. Et c'est ça, c'est ça qui m'a attiré, vous voyez. Qui a compté pour vous. Oui, c'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, vous le savez bien, le monde a changé de façon extrêmement importante. Vous qui vivez aux États-Unis, connaissez la recherche américaine. Par rapport à ce monde, l'ancien, le vieux continent, comme on dit ici, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut devenir astronome, qui lit La Mélodie Secrète, La Plénitude du Vide, qui se dit « Waouh, ce que fait Trinh Xuân Thuong, j'aimerais faire le même métier ». Que lui conseillez-vous? Justement, avoir tout ce temps, ce sentiment de curiosité, d'émerveillement devant la nature, et ne pas se laisser décourager, bien sûr, parce que, bon, de temps en temps, essayer de trouver de bons maîtres. Pour moi, je pense que c'est la rencontre, mais aussi par hasard, hein, de grands maîtres qui m'ont guidé. Donc, d'abord Einstein, et puis à Caltech, j'avais des gens qui faisaient la science, qui découvraient les choses devant mes yeux. Hein. Je vais mentionner Martin Schmidt, Il y avait William Fowler, qui est prix Nobel de physique, qui a donc découvert que nous sommes tous une poussière d'étoiles. Il a découvert là, vous voyez, que tous les éléments lourds sont fabriqués dans les étoiles. Enfin, donc, les maîtres sont très importants. Ils nous guident. Et puis, quand je suis allé à Princeton, j'ai eu comme directeur de thèse Spitzer, qui est donc le père du télescope Hubble. C'est lui qui a le premier pensé à mettre un grand télescope en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre et qui est un très grand astrophysicien aussi. Donc, c'est vrai, la chance, essayer de trouver, de garder le sens et l'émerveillement et trouver de bons maîtres. Et bon, voilà, moi, ce que je dirais. Ça a été mon expérience. Ouais. Sur quoi travaillez-vous aujourd'hui? C'est la formation des galaxies. Alors, j'ai... en particulier sur la rayonisation de l'univers. Vous savez, l'univers était ionisé, c'est-à-dire très, très chaud. Donc, les électrons étaient... distinct des noyaux d'atomes, donc c'est ce qu'on appelle ionisé. Et puis ça s'est recombiné, c'est-à-dire les électrons se combinaient dans des atomes neutres en l'an 380 000. Et puis maintenant on sait qu'il y a que l'univers est presque ionisé de nouveau, voyez. Et donc qu'est-ce qui a fait la deuxième réionisation, sa source? Il faut beaucoup de photons ultraviolets, enfin, énergétiques en tout cas. Et je pense que ce sont des galaxies naines bleues compactes qui sont responsables. C'est un sujet d'étude qui est cher à mon cœur. Et donc, on a obtenu du temps sur Hubble. Enfin, on vient d'avoir... on a eu 17 orbites l'année dernière, puis maintenant 34 orbites. On vous donne le temps sur le télescope Hubble en orbite. Et donc, on a démontré qu'il y a beaucoup d'ultraviolets qui s'échappent de ces galaxies. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça, c'est... Voilà. Et vous avez des étudiants qui ont pour maître Trinxwangtuan? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mon métier, c'est vraiment pas ça de connaissance. À 30 mètres, la connaissance, bien sûr. Donc, des étudiants qui font des thèses avec moi, mais aussi... des étudiants que j'enseigne. J'ai un cours à l'Université de Virginie qui s'appelle l'astronomie pour les poètes, donc pour des gens qui sont littéraires, en fait. Donc, vous voyez, parce qu'aux États-Unis, pendant les deux premières années, on ne se spécialise pas. Un littéraire doit prendre des cours scientifiques et un scientifique doit prendre des cours de philosophie. Vous voyez, donc, voilà. Donc, c'est juste avoir l'idéal d'un honnête homme. Quand on sort de l'université, on doit être au courant de toutes les formes de connaissances de l'humain. Voilà, donc... J'ai ça, mais aussi, vous voyez, j'écris, hein, parce que, en quelque sorte, les articles scientifiques, c'est très frustrant. Vous voyez, vous passez des années à faire la recherche, mais finalement, peut-être une poignée de vos collègues liront vraiment de bout en bout vos articles. Bon, si c'est un article important, bien sûr, il y a une plus vaste audience qui change le cours des idées, mais c'est quand même frustrant. Mon cours a peut-être 100, 150 étudiants, mais de nouveau un public restreint. Tandis que des livres, bien sûr, sont abordables à un plus large public. Et pour moi, ça c'est vraiment très satisfaisant, donc, de passer cette connaissance. Je me définis comme passeur de connaissances. Voilà. Merci beaucoup. Merci.